Chapitre 5. Ils durent d'abord Walter Scott. Ce fut comme la surprise d'un monde nouveau. Les hommes du passé, qui n'étaient pour eux que des fantômes ou des noms, devinrent des êtres vivants. Rois, princes, sorciers, valets, gardes-chasse, moines, bohémiens, marchands et soldats, qui délibèrent, combattent, voyagent, trafiquent, mangent et boivent, chantent et prient, dans la salle d'armes des châteaux, sur le banc noir des auberges, par les rues tortueuses des villes, sous l'auvent des échoppes, dans le cloître des monastères. Des paysages artistement composés entourent les scènes comme un décor de théâtre. On suit des yeux un cavalier qui galope le long des grèves. On aspire au milieu des genêts la fraîcheur du vent. La lune éclaire des lacs où glisse un bateau. Le soleil fait reluire les cuirasses. La pluie tombe sur les huttes de feuillage. Sans connaître les modèles, il trouvait ces peintures ressemblantes et l'illusion était complète. L'hiver s'y passa. Leur déjeuner fini, ils s'installaient dans la petite salle au debout de la cheminée. Et en face, l'un de l'autre, avec un livre à la main, ils lisaient silencieusement. Quand le jour baissait, ils allaient se promener sur la grande route, dînaient en hâte et continuaient leur lecture dans la nuit. Pour se garantir de la lampe, Bouvard avait des conserves bleues. Pécuchet portait la visière de sa casquette inclinée sur le front. Germaine n'était pas partie, et Gorju, de temps à autre, venait fouiller au jardin, car ils avaient cédé par indifférence oubli des choses matérielles. Après Walter Scott, Alexandre Dumas les divertit à la manière d'une lanterne magique. Ses personnages, alertes comme des singes, forts comme des bœufs, gais comme des pinsons, entrent et partent brusquement, sautent des toits sur le pavé, reçoivent d'affreuses blessures dont ils guérissent, sont crus morts et reparaissent. Il y a des trappes sous les planchers, des antidotes, des déguisements, et tout se mêle, court et se débrouille, sans une minute pour la réflexion. L'amour conserve de la décence, le fanatisme est gai, les massacres font sourire. Rendu difficile par ses deux maîtres, ils ne purent tolérer le fatrasse d'Obélissère, la niaiserie de Numa Pompilius, Marchangui ni d'Arlincourt. La couleur de Frédéric Soulier, comme celle du bibliophile Jacob, leur parut insuffisante, et M. Villemain les scandalisa en montrant page 85 de son Lascaris, un Espagnol qui fume une pipe, une longue pipe arabe au milieu du XVe siècle. Pécuchet consultait la biographie universelle, et il entreprit de réviser Dumas au point de vue de la science. L'auteur, dans les deux Dianes, se trompe de date. Le mariage du dauphin François eut lieu le 14 octobre 1548 et non le 20 mars 1549. Comment sait-il voir le page du duc de Savoie que Catherine de Médicis, après la mort de son époux, voulait recommencer la guerre? Il est peu probable qu'on ait couronné le duc d'Anjou la nuit dans une église, épisode qui agrémente la dame de Montsoreau. La reine Margot, principalement, fourmille d'erreurs. Le duc de Nevers n'était pas absent. Il opina au conseil avant la Saint-Barthélemy, et Henri de Navarre ne suivit pas la procession 4 jours après. Et Henri III ne revint pas de Pologne aussi vite. D'ailleurs, combien de rengaines le miracle de l'Aubépine, le balcon de Charles IX, les gants empoisonnés de Jeanne d'Albret. Pécuchet n'eut plus confiance en Dumas. Il perdit même tout respect pour Walter Scott, à cause des bévues de son Quentin d'Urward. Le meurtre de l'évêque de Liège est avancé de 15 ans. La femme de Robert de Lamarque était Jeanne d'Archel et non Ameline de Croix. Loin d'être tué par un soldat, il fut mis à mort par Maximilien, et la figure du téméraire, quand on trouva son cadavre, n'exprimait aucune menace, puisque les loups l'avaient à demi dévoré. Bouvard n'en continua pas moins Walter Scott, mais finit par s'ennuyer de la répétition des mêmes effets. L'héroïne, ordinairement, vit à la campagne avec son père, et l'amoureux, un enfant volé, est rétabli dans ses droits, et triomphe de ses rivaux. Il y a toujours un mendiant philosophe, un châtelain bourru, des jeunes filles pures, des valets facétieux, et d'interminables dialogues, une pruderie bête, manque complet de profondeur. En haine du bric-à-brac, Bouvard prit George Sand. Il s'enthousiasma pour les belles adultères et les nobles amants, aurait voulu être Jacques, Simon, Bénédicte, Lélio et habiter Venise. Il poussait des soupirs, ne savait pas ce qu'il avait, se trouvait lui-même changé. Pécuchet, travaillant la littérature historique, étudiait les pièces de théâtre. il avala 2 Pharamon, 3 Clovis, 4 Charlemagne, plusieurs Philippe Auguste, une foule de Jeanne d'Arc, et bien des marquises de Pompadour, et des conspirations de Célamare. Presque toutes lui parurent encore plus bêtes que les romans, car il existe pour le théâtre une histoire convenue, que rien ne peut détruire. Louis XI ne manquera pas de s'agenouiller devant les figurines de son chapeau. Henri IV sera constamment jovial. Marie Stuart pleureuse. Richelieu cruel. Enfin, tous les caractères se montrent d'un seul bloc, par amour des idées simples et respect de l'ignorance, si bien que le dramaturge, loin d'élever, abaisse, au lieu d'instruire, abrutit. Comme Bouvard lui avait vanté Georges Sand, Pécuchet se mit à lire Consuelo, Horace, Maupras, fut séduit par la défense des opprimés, le côté social et républicain, les thèses. Suivant Bouvard, elle gâtait la fiction, et il demanda au cabinet de lecture des romans d'amour. À haute voix et l'un après l'autre, ils parcoururent la nouvelle Héloïse, Delphine, Adolphe, Ourika, mais les bâillements de celui qui écoutait gagnaient son compagnon, dont les mains bientôt laissaient tomber le livre par terre. Il reprochait à tout cela de ne rien dire sur le milieu, l'époque, le costume des personnages. Le cœur seul est traité, toujours du sentiment, comme si le monde ne contenait pas autre chose. Ensuite, ils tâtèrent des romans humoristiques, tels que Le voyage autour de ma chambre, par Xavier de Maistre, Sous les tilleuls, d'Alphonse Karr. Dans ce genre de livre, on doit interrompre la narration pour parler de son chien, de ses pantoufles ou de sa maîtresse. Un tel sans-gêne d'abord les charma, puis leur parut stupide, car l'auteur efface son œuvre en y étalant sa personne. Par besoin de dramatique, ils se plongèrent dans les romans d'aventure. L'intrigue les intéressait, d'autant plus qu'elle était enchevêtrée, extraordinaire et impossible. Ils s'évertuaient à prévoir les dénouements, devinrent là-dessus très forts, et se lassèrent d'une amusette indigne d'esprit sérieux. L'œuvre de Balzac les émerveilla, tout à la fois comme une Babylone et comme des grains de poussière sous le microscope. Dans les choses les plus banales, des aspects nouveaux surgirent. Ils n'avaient pas soupçonné la vie moderne aussi profonde. « Quel observateur !» s'écriait Bouvard. « Moi, je le trouve chimérique, » finit par dire Pécuchet. Il croit aux sciences occultes, à la monarchie, à la noblesse, est ébloui par les coquins, vous remue les millions comme des centimes, et ces bourgeois ne sont pas des bourgeois, mais des colosses. Pourquoi gonfler ce qui est plat et décrire tant de sottises ? Il a fait un roman sur la chimie, un autre sur la banque, un autre sur les machines à imprimer. Comme un certain Ricard avait fait le cocher de fiacre, le porteur d'eau, le marchand de coco, nous en aurons sur tous les métiers, et sur toutes les provinces, puis sur toutes les villes et les étages de chaque maison et chaque individu. Ce qui ne sera plus de la littérature, mais de la statistique ou de l'ethnographie. Peu importait à Bouvard le procédé. Il voulait s'instruire, descendre plus avant dans la connaissance des mœurs. Il relut Paul de Kock, feuilleta de vieux ermites de la chaussée d'Antin. « Comment perdre son temps à des inepties pareilles ?» disait Pécuchet. « Mais par la suite ce sera fort curieux comme document. Va te promener avec tes documents. Je demande quelque chose qui m'exalte, qui m'enlève aux misères de ce monde. » Et Pécuchet, porté à l'idéal, tourna Bouvard insensiblement vers la tragédie. Le lointain où elle se passe, les intérêts qu'on y débat et la condition de ses personnages leur imposaient comme un sentiment de grandeur. Un jour, Bouvard prit Athalie et débita le songe tellement bien que Pécuchet voulut à son tour l'essayer. Dès la première phrase, sa voix se perdit dans une espèce de bourdonnement. Elle était monotone et bien que forte, indistincte. Bouvard, plein d'expérience, lui conseilla pour l'assouplir de la déployer depuis le ton le plus bas jusqu'au plus haut, et de la replier, émettant 2 gammes, l'une montante, l'autre descendante, et lui-même se livrait à cet exercice, le matin dans son lit, couché sur le dos, selon le précepte des Grecs. Pécuchet, pendant ce temps-là, travaillait de la même façon. Leur porte était close, et ils braillaient séparément. Ce qui leur plaisait de la tragédie, c'était l'emphase, les discours sur la politique, les maximes de perversité. Ils apprirent par cœur les dialogues les plus fameux de Racine et de Voltaire, et ils les déclamaient dans le corridor. Bouvard, comme au théâtre français, marchait la main sur l'épaule de Pécuchet, en s'arrêtant par intervalles, et roulait ses yeux, ouvrait les bras, accusait les destins. Il avait de beaux cris de douleur dans le philoctète de la harpe, un joli hoquet dans Gabriel de Vergy. Et quand il faisait Denis, tyran de Syracuse, une manière de considérer son fils en l'appelant « monstre, digne de moi », qui était vraiment terrible. Pécuchet en oubliait son rôle. Les moyens lui manquaient, non la bonne volonté. Une fois, dans la Cléopâtre de Marmontel, il imagina de reproduire le sifflement de l'aspic, tel qu'avait dû le faire l'automate inventé exprès par Vaucanson. Cet effet manqué les fit rire jusqu'au soir. La tragédie tomba dans leur estime. Bouvard en fut là le premier. En y mettant de la franchise, démontra combien elle est artificielle et podagre. La niaiserie de ses moyens, l'absurdité des confidents. Ils abordèrent la comédie, qui est l'école des nuances. Il faut disloquer la phrase, souligner les mots, peser les syllabes. Pécuchet n'en put venir à bout, et échoua complètement dans ses limènes. Du reste, il trouvait les amoureux bien froids, les raisonneurs assommants, les valets intolérables. Clitandres Ganarelle, aussi faux qu'Égiste et qu'Agamemnon. Restait la comédie sérieuse, ou tragédie bourgeoise, celle où l'on voit des pères de famille désolés, des domestiques sauvant leur maître, des richards offrant leur fortune, des couturières innocentes et d'infâmes suborneurs, genre qui se prolonge de Diderot jusqu'à Pixécrécourt. Toutes ces pièces prêchant la vertu les choquèrent comme triviales. Le drame de 1830 les enchanta par son mouvement, sa couleur, sa jeunesse. Il ne faisait guère de différence entre Victor Hugo, Dumas ou Bouchardy, et la diction ne devait plus être pompeuse ou fine, mais lyrique, désordonnée. Un jour que Bouvard tâchait de faire comprendre à Pécuchet le jeu de Frédéric Lemaître, Madame Bordin se montra tout à coup avec son châle vert et un volume de Pignot Lebrun, qu'elle rapportait, ces messieurs ayant l'obligeance de lui prêter des romans quelquefois. Mais continuez, car elle était là depuis une minute et avait plaisir à les entendre. Ils s'excusèrent, elle insistait. « Mon Dieu, dit Bouvard, rien ne vous empêche. » Pécuchet allégua par fausse honte qu'il ne pouvait jouer à l'improviste sans costume. « Effectivement, nous aurions besoin de nous déguiser. » Et Bouvard chercha un objet quelconque, ne trouva que le bonnet grec et le prit. Comme le corridor manquait de largeur, ils descendirent dans le salon. Des araignées couraient le long des murs, et les spécimens géologiques encombrant le sol avaient blanchi de leur poussière le velours des fauteuils. On étala sur le moins malpropre un torchon pour que Madame Bordin pût s'asseoir. Il fallait lui servir quelque chose de bien. Bouvard était partisan de la tourdenelle, mais Pécuchet avait peur des rôles qui demandent trop d'action. Elle aimera mieux du classique, Phèdre par exemple. Soit. Bouvard conta le sujet. C'est une reine dont le mari a d'une autre femme un fils. Elle est devenue folle du jeune homme. Y sommes-nous ? En route. Oui, prince, je languis, je brûle pour Thésée. Je l'aime. Et parlant au profil de Pécuchet, il admirait son port, son visage, cette tête charmante, se désolait de ne l'avoir pas rencontré sur la flotte des Grecs, aurait voulu se perdre avec lui dans le labyrinthe. La mèche du bonnet rouge s'inclinait amoureusement, et sa voix tremblante et sa figure bonne conjuraient le cruel de prendre en pitié sa flamme. Pécuchet, en se détournant, haletait pour marquer de l'émotion. Madame Bordin, immobile, écarquillait les yeux, comme devant les faiseurs de tours. Mais il y écoutait derrière la porte. Gorgu, en manche de chemise, les regardait par la fenêtre. Bouvard entama la seconde tirade. Son jeu exprimait le délire des sens, le remords, le désespoir, et il se rua sur le glaive idéal de Pécuchet avec tant de violence que, trébuchant dans les cailloux, il faillit tomber par terre. « Ne faites pas attention, puis Thésée arrive, et elle s'empoisonne. « Pauvre femme, dit Madame Bordin. » Ensuite, ils la prièrent de leur désigner un morceau. Le choix l'embarrassait. Elle n'avait vu que trois pièces, Robert le Diable dans la capitale, le jeune mari à Rouen, et une autre à Falaise, qui était bien amusante et qu'on appelait la brouette du vinaigrier. Enfin Bouvard lui proposa la grande scène de Tartuffe au troisième acte. Pécuchet crut une explication nécessaire. Il faut savoir que Tartuffe... Madame Bordin l'interrompit. On sait ce que c'est qu'un Tartuffe. Bouvard eut désiré pour un certain passage une robe. « Je ne vois que la robe de moine, dit Pécuchet. »« N'importe, mets-la. » Il reparut avec elle, et un Molière. Le commencement fut médiocre, mais Tartuffe venant à caresser les genoux d'Elmire, Pécuchet prit un ton de gendarme. « Que fait là votre main ?» Bouvard bien vite répliqua d'une voix sucrée. « Je tâte votre habit, l'étoffe en est mollesse. » Et il dardait ses prunelles, tendait la bouche, reniflait. un air extrêmement lubrique, finit même par s'adresser à Madame Bordin. Les regards de cet homme la gênaient, et quand il s'arrêta, humble et palpitant, elle cherchait presque une réponse. Pécuchet eut recours au livre. La déclaration est tout à fait galante. Ah oui, s'écria-t-elle, c'est un fier enjôleur. N'est-ce pas ? Reprit fièrement Bouvard. Mais en voilà une autre, d'un chic plus moderne. Ayant défait sa redingote, il s'accroupit sur un moellon et déclama la tête renversée. Des flammes de tes yeux inondent ma paupière. Chante-moi quelques chants, comme parfois, le soir, tu m'enchantais avec des pleurs dans ton œil noir. Ça me ressemble, pensa-t-elle. Soyons heureux, buvons, car la coupe est remplie, car cette heure est à nous et le reste est folie. Comme vous êtes drôle. Et elle riait d'un petit rire qui lui remontait la gorge et découvrait ses dents. N'est-ce pas qu'il est doux d'aimer et de savoir qu'on vous aime à genoux ? Il s'agenouilla. Finissez donc. Oh, laisse-moi dormir et rêver sur ton sein. Doña Sol, ma beauté, mon amour. Ici on entend les cloches. Un montagnard les dérange. Heureusement, car sans cela, et Madame Bordin sourit, au lieu de terminer sa phrase. Le jour baissait, elle se leva. Il avait plu tout à l'heure, et le chemin par la hêtraie n'étant pas facile, mieux valait s'en retourner par les champs. Bouvard l'accompagna dans le jardin, pour lui ouvrir la porte. D'abord, ils marchèrent le long des quenouilles, sans parler. Il était encore ému de sa déclamation, et elle éprouvait au fond de l'âme, comme une surprise, un charme qui venait de la littérature. L'art, en de certaines occasions, ébranle les esprits médiocres, et des mondes peuvent être révélés par ses interprètes les plus lourds. Le soleil avait reparu, faisait luire les feuilles, jetait des taches lumineuses dans les fourrés, ça et là. Trois moineaux avec de petits cris sautillaient sur le tronc d'un vieux tilleul abattu. Une épine en fleur étalait sa gerbe rose. Des lilas alourdis se penchaient. « Ah, cela fait bien, » dit Bouvard, en humant l'air à plein poumon. « Aussi vous vous donnez un mal. Ce n'est pas que j'ai du talent, mais pour du feu j'en possède. » « On voit, » reprit-elle, « et mettant un espace entre les mots que vous avez aimés autrefois. »« Autrefois seulement, vous croyez ?» Elle s'arrêta. « Je n'en sais rien. »« Que veut-elle dire ?» Et Bouvard sentait battre son cœur. Une flaque au milieu du sable, obligeant à un détour, les fit monter sous la charmille. Alors ils causèrent de la représentation. « Comment s'appelle votre dernier morceau ?»« C'est tiré de Hernani, un drame. » « Ah !» Puis lentement, et se parlant à elle-même, « Ce doit être bien agréable, un monsieur qui vous dit des choses pareilles, pour tout de bon. »« Je suis à vos ordres, » répondit Bouvard. « Vous ? Oui, moi. Quelle plaisanterie !»« Pas le moins du monde. » Et ayant jeté un regard autour d'eux, il la prit à la ceinture par derrière et la baisa sur la nuque fortement. Elle devint très pâle, comme si elle allait s'évanouir, et s'appuya d'une main contre un arbre, puis ouvrit les paupières et secoua la tête. « C'est passé !» Il la regardait avec ébahissement. La grille ouverte, elle monta sur le seuil de la petite porte. Une rigole coulait de l'autre côté. Elle ramassa tous ses plis de sa jupe et se tenait au bord, indécise. « Voulez-vous mon aide ?»« Inutile. Pourquoi ?»« Ah, vous êtes trop dangereux !» Et dans le saut qu'elle fit, son bas blanc parut. Bouvard se blâma d'avoir raté l'occasion. « Bah, elle se retrouverait. Et puis les femmes ne sont pas toutes les mêmes. Il faut brusquer les unes, l'audace vous perd avec les autres. » En somme, il était content de lui. Et s'il ne confia pas son espoir à Pécuchet, ce fut dans la peur des observations, et nullement par délicatesse. À partir de ce jour-là, ils déclamèrent souvent devant Mélie et Gorju, tout en regrettant de n'avoir pas un théâtre de société. La petite bonne s'amusait sans y rien comprendre, ébahie du langage, fascinée par le ronron des vers. Gorju applaudissait les tirades philosophiques des tragédies et tout ce qui était pour le peuple dans les mélodrames, si bien que charmé de son goût, ils pensèrent à lui donner des leçons, pour en faire plus tard un acteur. Cette perspective éblouissait l'ouvrier. Le bruit de leurs travaux s'était répandu. Faucorbeil leur en parla d'une façon narquoise. Généralement, on les méprisait. Ils s'en estimaient davantage. Ils se sacrèrent artistes. Pécuchet porta des moustaches, et Bouvard ne trouva rien de mieux avec sa mine ronde et sa calvitie que de se faire une tête à la Béranger. Enfin, ils résolurent de composer une pièce. Le difficile, c'était le sujet. Ils le cherchaient en déjeunant et buvaient du café, liqueur indispensable au cerveau, puis deux ou trois petits verres. Ensuite, ils allaient dormir sur leur lit, après quoi ils descendaient dans le verger, s'y promenaient, enfin sortaient pour trouver dehors l'inspiration, cheminaient côte à côte et rentraient exténués. Ou bien ils s'enfermaient à double tour. Bouvard nettoyait la table, mettait du papier devant lui, trempait sa plume et restait les yeux au plafond, pendant que Pécuchet, dans le fauteuil, méditait les jambes droites et la tête basse. Parfois il sentait un frisson, et comme le vent d'une idée, au moment de la saisir, elle avait disparu. Mais il existe des méthodes pour découvrir des sujets. On prend un titre au hasard, et un fait en découle. On développe un proverbe, on combine des aventures en une seule. Pas un de ces moyens n'aboutit. Ils feuilletèrent vainement des recueils d'anecdotes, plusieurs volumes des causes célèbres, un tas d'histoires. Ils rêvaient d'être joués à l'Odéon, pensaient au spectacle, regrettaient Paris. « J'étais fait pour être auteur et ne pas m'enterrer à la campagne, » disait Bouvard. « Moi de même, » répondait Pécuchet. Une illumination lui vint. S'ils avaient tant de mal, c'est qu'ils ne savaient pas les règles. Ils les étudièrent dans la pratique du théâtre, par d'Aubignac et dans quelques ouvrages moins démodés. On y débat des questions importantes. Si la comédie peut s'écrire en vers, si la tragédie n'excède point les bornes en tirant sa fable de l'histoire moderne, si les héros doivent être vertueux, quel genre de scélérat elle comporte, jusqu'à quel point les horreurs y sont permises, que les détails concourent à un seul but, que l'intérêt grandisse, que la fin réponde au commencement, sans doute. Inventer des ressorts qui puissent m'attacher, dit Boileau. Par quel moyen inventer des ressorts? Que dans tous vos discours la passion émue aille chercher le cœur, les chauffe et le remue. Comment chauffer le cœur? Donc les règles ne suffisent pas, il faut de plus le génie. Et le génie ne suffit pas. Corneille, suivant l'Académie française, n'entend rien au théâtre. Geoffroy dénigra Voltaire. Racine fut bafouée par Subligny. La harpe rugissait au nom de Shakespeare. La vieille critique les dégoûtant, ils voulurent connaître la nouvelle, et firent venir les comptes rendus des pièces dans les journaux. Quel aplomb, quel entêtement, quelle improbité! Des outrages à des chefs-d'œuvre, des références faites à des platitudes, et les âneries de ceux qui passent pour savants, et la bêtise des autres que l'on proclame spirituelle. C'est peut-être au public qu'il faut se rapporter. Mais des œuvres applaudies parfois leur déplaisent, et dans les sifflets quelque chose leur agréait. Aussi l'opinion des gens de goût est trompeuse et le jugement de la foule inconcevable. Bouvard posa le dilemme à Barberoux. Pécuchet, de son côté, écrivit à Dumouchel. L'ancien commis voyageur s'étonna du ramollissement causé par la province. Son vieux Bouvard tournait à la bedole. Bref, n'y était plus du tout. Le théâtre est un objet de consommation comme un autre. Cela rentre dans l'article Paris. On va au spectacle pour se divertir. Ce qui est bien, c'est ce qui amuse. « Mais imbécile, s'écria Pécuchet, ce qui t'amuse n'est pas ce qui m'amuse, et les autres et toi-même s'en fatigueront plus tard. Si les pièces sont absolument écrites pour être jouées, comment se fait-il que les meilleures soient toujours lues ?» Et il attendit la réponse de Dumouchel. Suivant le professeur, le sort immédiat d'une pièce ne prouvait rien. Le misanthrope et Athalie tombèrent. Zahir n'est plus comprise. Qui parle aujourd'hui de Ducange et de Picard? Et il rappelait tous les grands succès contemporains, depuis Fanchon de la Vielleuse jusqu'à Gaspardo le pêcheur, déplorait la décadence de notre scène. Elle a pour cause le mépris de la littérature, ou plutôt du style. Alors ils se demandèrent en quoi consiste précisément le style, et grâce à des auteurs indiqués par Dumouchel, ils apprirent le secret de tous ces genres. Comment on obtient le majestueux, le tempéré, le naïf, les tournures qui sont nobles, les mots qui sont bas? Chien se relève par dévorant. Vomir ne s'emploie qu'au figuré. Fièvre s'applique aux passions. Vaillance est beau en vers. Si nous faisions des vers, dit Pécuchet. Plus tard, occupons-nous de la prose d'abord. On recommande formellement de choisir un classique pour se mouler sur lui, mais tous ont leur danger. Et non seulement ils ont péché par le style, mais encore par la langue. Une telle assertion déconcerta Bouvard et Pécuchet, et ils se mirent à étudier la grammaire. Avons-nous dans notre idiome des articles définis et indéfinis comme en latin? Les uns pensent que oui, les autres que non. Ils n'osèrent se décider. Le sujet s'accorde toujours avec le verbe, sauf les occasions où le sujet ne s'accorde pas. Nulle distinction autrefois entre l'adjectif verbal et le participe présent, mais l'Académie en pose une peu commode à saisir. Ils furent bien aises d'apprendre que leur pronom s'emploie pour les personnes, mais aussi pour les choses, tandis que « ou » et « en » s'emploient pour les choses, et quelquefois pour les personnes. Doit-on dire « cette femme a l'air bon » ou « l'air bonne » ? Une bûche de bois sec ou de bois sèche ? Ne pas laisser de ou que de, une troupe de voleurs sur 20 ou sur 20. Autre difficulté. Autour et alentour, dont Racine et Boileau, ne voyez pas la différence. Imposé ou en imposé, synonyme chez Massillon et chez Voltaire. Croassé et coassé, confondu par La Fontaine, qui pourtant savait reconnaître un corbeau d'une grenouille. Les grammairiens, il est vrai, sont en désaccord. Ceux-ci voyant une beauté, ou cela découvre une faute. Ils admettent des principes dont ils repoussent les conséquences, proclament les conséquences dont ils refusent les principes, s'appuient sur la tradition, rejettent les maîtres, et ont des raffinements bizarres. Ménage au lieu de lentilles, et cassonade préconise nantilles et castonade. Bon our, géarchie, et non pas hiérarchie, et M. Chapsal, les œils de la soupe. Pécuchet surtout fut ébahi par Guénin. Comment ? Des hannetons vaudraient mieux que des hannetons, des haricots que des haricots ? Et sous Louis XIV, on prononçait Roum et Monsieur de Lune pour Rome et Monsieur de Lyonne. Littré leur porta le coup de grâce en affirmant que jamais il n'y eut d'orthographe positive et qu'il ne saurait y en avoir. Ils en conclurent que la syntaxe est une fantaisie et la grammaire une illusion. En ce temps-là, d'ailleurs, une rhétorique nouvelle annonçait qu'il faut écrire comme on parle et que tout sera bien pourvu qu'on ait senti observer. Comme ils avaient senti et croyaient avoir observé, ils se jugèrent capables d'écrire. Une pièce est gênante par l'étroitesse du cadre, mais le roman a plus de liberté. Pour en faire un, ils cherchèrent dans leurs souvenirs. Pécuchet se rappela un de ses chefs de bureau, un très vilain monsieur, et il ambitionnait de s'en venger par un livre. Bouvard avait connu à l'Estaminet un vieux maître d'écriture ivrogne et misérable. Rien ne serait drôle comme ce personnage. Au bout de la semaine, ils imaginèrent de fondre ces deux sujets en un seul. En demeurant là, passèrent au suivant. Une femme qui cause le malheur d'une famille. Une femme, son mari et son amant. Une femme qui serait vertueuse par défaut de conformation. Un ambitieux, un mauvais prêtre. Ils tâchaient de relier à ces conceptions incertaines des choses fournies par leur mémoire. Retranchaient, ajoutaient. Pécuchet était pour le sentiment et l'idée. Bouvard pour l'image et la couleur. Et ils commençaient à ne plus s'entendre, chacun s'étonnant que l'autre fût si borné. La science qu'on nomme esthétique trancherait peut-être leurs différends. Un ami de Dumouchel, professeur de philosophie, leur envoya une liste d'ouvrages sur la matière. Ils travaillaient à part et se communiquaient leurs réflexions. D'abord, qu'est-ce que le beau ? Pour Schelling, c'est l'infini s'exprimant par le fini. Pour Reid, une qualité occulte. Pour Jouffroy, un trait indécomposable. Pour Demestre, ce qui plaît à la vertu. Pour le professeur André, ce qui convient à la raison. Et il existe plusieurs sortes de beaux. Un beau dans les sciences, la géométrie est belle. Un beau dans les mœurs, on ne peut nier que la mort de Socrate ne soit belle. Un beau dans le règne animal, la beauté du chien consiste dans son odorat. Un cochon ne saurait être beau, vu ses habitudes immondes. Un serpent non plus, car il éveille en nous des idées de bassesse. Les fleurs, les papillons, les oiseaux peuvent être beaux. Enfin, la condition première du beau, c'est l'unité dans la variété. Voilà le principe. Cependant, dit Bouvard, deux yeux louches sont plus variés que deux yeux droits et produisent moins bon effet, ordinairement. Ils abordèrent la question du sublime. Certains objets sont de même sublimes. Le fracas d'un torrent, des ténèbres profondes, un arbre battu par la tempête. Un caractère est beau quand il triomphe, et sublime quand il lutte. Je comprends, dit Bouvard, le beau est le beau, et le sublime est le très beau. Comment les distinguer ? Au moyen du tact, répondit Pécuchet. Et le tact, d'où vient-il ? Du goût. Qu'est-ce que le goût ? On le définit un discernement spécial, un jugement rapide, l'avantage de distinguer certains rapports. Enfin, le goût, c'est le goût, et tout cela ne dit pas la manière d'en avoir. Il faut observer les bienséances, mais les bienséances varient. Et si parfaite que soit une œuvre, elle ne sera pas toujours irréprochable. Il y a pourtant un beau indestructible et dont nous ignorons les lois, car sa genèse est mystérieuse. Puisqu'une idée ne peut se traduire par toutes les formes, nous devons reconnaître des limites entre les arts et dans chacun des arts plusieurs genres. Mais des combinaisons surgissent où le style de l'un entrera dans l'autre sous peine de dévier, du but, de ne pas être vrai. L'application trop exacte du vrai nuit à la beauté. Et la préoccupation de la beauté empêche le vrai. cependant sans idéal, pas de vrai. C'est pourquoi les types sont d'une réalité plus continue que les portraits. L'art, d'ailleurs, ne traite que la vraisemblance. Mais la vraisemblance dépend de qui l'observe, est une chose relative, passagère. Il se perdait ainsi dans les raisonnements. Bouvard de moins en moins croyait à l'esthétique. Si elle n'est pas une blague, sa rigueur se démontrera par des exemples. Or, écoute, et il lut une note qui lui avait demandé bien des recherches. Bonhour accuse Tacite de n'avoir pas la simplicité que réclame l'histoire. M. Droz, un professeur, blâme Shakespeare par son mélange du sérieux et du bouffon. Nisard, autre professeur, trouve qu'André Chénier est comme poète au-dessous du XVIIe siècle. Blair, anglais, déplore dans Virgile le tableau des Harpies. Marmontel gémit sur les licences d'Homère. La Motte n'admet point l'immoralité de ses héros. Vida s'indigne de ses comparaisons. Enfin, tous les faiseurs de rhétorique, de poétique et d'esthétique me paraissent des imbéciles. « Tu exagères, » dit Pécuchet. Des doutes l'agitaient, car si les esprits médiocres, comme observe Longin, sont incapables de fautes, les fautes appartiennent aux maîtres, et on devra les admirer. C'est trop fort, cependant les maîtres sont les maîtres. Il aurait voulu faire s'accorder les doctrines avec les œuvres, les critiques et les poètes, saisir l'essence du beau. Et ces questions le travaillèrent tellement que sa bile l'en fut remuée. Il y gagna une jaunisse. Elle était à son plus haut période, quand Marianne, la cuisinière de Madame Bordin, vint demander à Bouvard un rendez-vous pour sa maîtresse. La veuve n'avait pas reparu depuis la séance dramatique. Était-ce une avance? Mais pourquoi l'intermédiaire de Marianne? Et pendant toute la nuit, l'imagination de Bouvard s'égara. Le lendemain, vers 2 heures, il se promenait dans le corridor et regardait de temps à autre par la fenêtre. Un coup de sonnette retentit. C'était le notaire. Il traversa la cour, monta les escaliers, se mit dans le fauteuil, et les premières politesses échangées, dit que lasse d'attendre Madame Bordin, il avait pris les devants. Elle désirait lui acheter les écales. Bouvard sentit comme un refroidissement et passa dans la chambre de Pécuchet. Pécuchet ne sut que répondre. Il était soucieux. Monsieur Vaucorbeil devant venir tout à l'heure. Enfin, elle arriva. Son retard s'expliquait par l'importance de sa toilette. Un cachemire, un chapeau, des gants glacés, la tenue qui sied aux occasions sérieuses. Après beaucoup d'embâges, elle demanda si 1000 écus ne seraient pas suffisants. Un acre, 1000 écus, jamais. Elle cligna ses paupières. Ah, pour moi. Et tous les trois restaient silencieux. Monsieur de Faverges entra. Il tenait sous le bras, comme un avoué, une serviette de maroquin, et en la posant sur la table. Ce sont des brochures, elles ont trait à la réforme. Question brûlante. Mais voici une chose qui vous appartient sans doute, et il tendit à Bouvard le second volume des Mémoires du Diable. Milly, tout à l'heure, le lisait dans la cuisine. Comme on doit surveiller les mœurs de ces gens-là, il avait cru bien faire en confisquant le livre. Bouvard l'avait prêté à sa servante. On causa des romans. Madame Bordin les aimait, quand ils n'étaient pas lugubres. Les écrivains, dit M. de Faverges, nous peignent la vie sous des couleurs flatteuses. Il faut peindre, objecta Bouvard. Alors, on n'a plus qu'à suivre l'exemple. Il ne s'agit pas d'exemple. Au moins, conviendrez-vous, qu'ils peuvent tomber entre les mains d'une jeune fille. Moi, j'en ai une. Charmante, dit le notaire, en prenant la figure qu'il avait les jours de contrat de mariage. Eh bien, à cause d'elle, ou plutôt des personnes qui l'entourent, je les prohibe dans ma maison, car le peuple, cher monsieur... Qu'a-t-il fait, le peuple? Dit Vaucorbeil, paraissant tout à coup sur le seuil. Pécuchet, qui avait reconnu sa voix, vint se mêler à la compagnie. « Je soutiens, reprit le comte, qu'il faut écarter de lui certaines lectures. » Vaucorbeil répliqua. « Vous n'êtes donc pas pour l'instruction ?»« Si fait, permettez. » »« Quand tous les jours, dit Maresco, on attaque le gouvernement, où est le mal ?» Et le gentilhomme et le médecin se mirent à dénigrer Louis-Philippe, rappelant l'affaire Brichard, les lois de septembre contre la liberté de la presse. Et celle du théâtre, ajouta Pécuchet. Maresco n'y tenait plus. « Il va trop loin, votre théâtre. »« Pour cela, je vous l'accorde, dit le comte. Des pièces qui exaltent le suicide. »« Le suicide est beau, témoin qu'a-t-on, objecta Pécuchet. » Sans répondre à l'argument, M. de Faverges stigmatisa ses œuvres, où l'on bafoue les choses les plus saintes, la famille, la propriété, le mariage. « Eh bien, et Molière, dit Bouvard. » Maresco, homme de goût, riposta que Molière ne passerait plus, et d'ailleurs était un peu surfait. Enfin, dit le comte, Victor Hugo était sans pitié. Oui, sans pitié pour Marie-Antoinette, entraînant sur la claie le type de la reine dans le personnage de Marie Tudor. Comment ? S'écria Bouvard. Moi, auteur, je n'ai pas le droit. Non, monsieur, vous n'avez pas le droit de nous montrer le crime, sans mettre à côté un correctif, sans nous offrir une leçon. Vos corbeilles trouvaient aussi que l'art devait avoir un but, viser à l'amélioration des masses. Chantez-nous la science, nos découvertes, le patriotisme, et il admirait Casimir de Lavigne. Madame Bordin vanta le marquis de Foudras. Le notaire reprit. Mais la langue, y pensez-vous ? La langue, comment ? On vous parle du style, cria Pécuchet. Trouvez-vous ces œuvres bien écrites ? Sans doute, fort intéressant. Il leva les épaules, et elle rougit sous l'impertinence. Plusieurs fois, Madame Bordin avait tâché de revenir à son affaire. Il était trop tard pour la conclure. Elle sortit au bras de Maresco. Le comte distribua ses pamphlets, en recommandant de les propager. Vos corbeilles allaient partir quand Pécuchet l'arrêta. « Vous m'oubliez, docteur. » Sa mine jaune était lamentable, avec ses moustaches et ses cheveux noirs qui pendaient sous un foulard mal attaché. « Purgez-vous, » dit le médecin, et lui donnant deux petites claques comme à un enfant. « Trop d'honneur, trop artiste. » Cette familiarité lui fit plaisir, elle le rassurait. Et dès qu'ils furent seuls, « Tu crois que ce n'est pas sérieux ?»« Non, bien sûr. » Ils résumèrent ce qu'ils venaient d'entendre. La moralité de l'art se renferme pour chacun dans le côté qui flatte ses intérêts. On n'aime pas la littérature. Ensuite, ils feuilletèrent les imprimés du comte. Tous réclamaient le suffrage universel. « Il me semble, dit Pécuchet, que nous aurons bientôt du grabuge, car il voyait tout en noir, peut-être à cause de sa jaunisse. »